j'arrive pas à jouer, putain. C'était Macumba. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Pour les dockers des ports qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba. C'était des tubes. Jesse Zero. Ah, c'est abouti, là. Il y avait un morceau qui était bien, la guitare. Pas mal. Il a l'oreille, hein.